fenêtre elle se penche, pieds nus dans les rues toutes blanches. Elle va sous les étoiles qui s'allument, les flocons de neige et la lune. Elle va en fermant les yeux. Aujourd'hui, quand la nuit s'avance et brutale arrache à l'enfance, elle va dans les livres dans lesquels elle puise les doux rêves qui parfois suffisent. Elle va en ouvrant les yeux. Je ne ressens pas, où est-elle? Où est-elle?